Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Télévision, une dernière saison prévue pour la sitcom Mon Oncle Charlie. Eux, ils ont tout gâché. Maintenant, ma réponse à Où est Charlie est toujours dans une émission vraiment poche. Dans le segment Geek CNX, un coussin connecté qui détecte le stress ou les mauvaises positions. Je vous laisse imaginer votre propre gag de coussin à pète parce que j'ai plus de classe que ça. Tout ça en plus de Double Trouble et de la chronique scientifique. Merci science. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence tout de suite. Et voici celui qui regarde Mon Oncle Charlie pour trouver ses propres blagues meilleures. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. On est toujours dans notre case horaire estival, les lundis de midi à 14h. On rappelle les mercredis à 17h. Aujourd'hui à l'émission, le segment Geek CNX, le survol du net dans WoW at Web. C'est un fait Tech Edition et notre plus récente ajout, la chronique de science et technologie. Merci science. Dans quelques minutes, on va débuter comme toujours avec Television. Mais avant ça, on doit commencer avec la musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et on s'en écoute deux de fil tout de suite pour commencer. Tout à l'heure, il y aura Dan Terrien avec Power of Noise. Mais on débute tout de suite avec Little Combat. Voici Baseball tout de suite au Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89.1 FM. Dan Thillian et Power of Noise, précédé de Baseball par Lil Combat au Mathieu Plante Show, ce qui nous amène à parler de télé. Voici Television, Television. C'est Television, Television, la chronique télé du Mathieu Plante Show, et on débute comme toujours au Québec pour après ça passer au Canada anglais, aux États-Unis, ailleurs dans le monde, Internet, etc. etc. Commençons donc par SNL Québec, deuxième saison et animateur confirmé. On s'y attendait tous, mais évidemment, ça revient, SNL Québec. Adaptation toute québécoise de Saturday Night Live, SNL Québec sera de retour la saison prochaine à Télé-Québec et comptera à son animation de grosses pointures de l'humour et de la télévision. Norman Brathwaite va être le premier invité vedette de la nouvelle saison le 20 septembre, lui qui va se faire enlever un paquet d'épisodes de Belle et Bum pour penser, donc on en parlera à la fin de l'article. Se succéderont ensuite Antoine Bertrand le 18 octobre, Patrick Huard le 22 novembre et Guy Lepage le 13 décembre. À l'hiver, Charles Lafortune et Véronique Cloutier joueront aux animateurs à des dates qui seront confirmées ultérieurement. Une septième émission sera également enregistrée, mais le nom de son animateur n'a pas encore été confirmé. On a dit essayer fort à la production pour trouver une femme pour animer le septième épisode, puisque pour l'instant, seulement Véronique Cloutier est une femme dans tout le reste des animateurs de SNL. Les six comédiens maison, on l'a déjà dit précédemment, l'émission seront tous de retour pour la prochaine saison. Catherine Levac, Léane Labrèche d'Or, Mathieu Quesnel, Pierre-Luc Funk, Phil Roy et Virginie Fortin. Une émission spéciale regroupant les meilleurs sketchs sera également diffusée, ce qui fait quand même bizarre, l'émission de meilleurs sketchs, alors qu'il y a seulement eu, comme jusqu'à maintenant, deux épisodes. Je sais pas si ça va être un résumé de la saison 1 ou si on va attendre à la fin de la saison 2 avant de faire un best-of, mais bon. Comme on l'a dit tantôt, l'ajout des 8 épisodes de SNL Québec à la grille horaire de la saison 2014-15 touchera l'équipe de Belle et Bonne, puisque les émissions partageront la case horaire du samedi à 21h. La saison de l'émission musicale ne comptera donc que 17 émissions au lieu de 25. C'est pas beaucoup, 8 épisodes pour SNL Québec. On dit un par mois, mais pendant la saison régulière seulement. Donc, on peut s'imaginer septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ouais. Ça finit tôt, tu sais. Ça finit un petit peu tôt. Ensuite, parlant de SNL Québec, une seconde saison pour l'émission Les 5 prochains. Et ça va mettre en vedette, entre autres, les gens de SNL Québec. Après le succès de la série documentaire Les 5 prochains, diffusée sur RTV en 2011, la chaîne programmera l'an prochain une seconde saison avec les humoristes Fred Dubé, Virginie Fortin, Catherine Levac, Pierre-Bruno Rivard et Phil Roy. Vous reconnaissez trois de ces noms-là de SNL Québec. Et ils vont succéder tous ceux-là à Corinne Côté, Étienne Dano, Pierre Hébert, Kim Lizotte et Guillaume Wagner de la première saison. La seconde comprendra 8 épisodes de 30 minutes qui permettront aux téléspectateurs de se familiariser avec ces étoiles montantes de l'humour que sont les Rimousquois Fred Dubé. Le Rimousquois? Rimousquois. Virginie Fortin, gagnante d'En route vers mon premier gala l'an dernier. Catherine Levac, qui joue dans la scène de Québec, c'est tout ce qu'elle a fait. Pierre-Bruno Rivard, humoriste et auteur. Et Phil Roy, un des finalistes de l'Olivier Découverte de l'année en 2014. Le tournage a débuté le 8 mai et se poursuivra jusqu'en novembre. Maintenant, passons à ZTV, deux nouvelles séries documentaires sur le porno et le prince sur gage. Alors qu'elle n'animera plus l'émission Juste pour rire en direct, Mélanie Ménard prendra la barre d'une nouvelle production originale cet automne sur les ondes de Z, classée 3X. Cette série documentaire de 8 épisodes de 30 minutes visite les coulisses de la pornographie. L'émission permettra d'en apprendre davantage sur les aléas d'un métier marginal au tabou préconçu, en mettant en lumière des hommes et des femmes qui y gagnent leur vie. Mathieu Graton, qu'on connaît bien à Z, une des figures les plus connues là-bas, animera Pawn Shop Québec. Hein, c'est rendu la nouvelle mode, un petit peu comme au Canada anglais il y a quelques années. Toutes les émissions avaient le mot Canada dedans, que ce soit MasterChef Canada, Big Brother Canada, Deal or No Deal Canada. Il y avait que ça sur les grilles horaires. Maintenant, c'est la même chose au Québec. Donc, on est rendu avec Pawn Shop Québec. Ou SNL Québec. En 8 épisodes de 30 minutes, on entre dans l'univers du prêt sur gage en suivant la vie des gens qui gravitent autour du phénomène des pawn shops au Québec. J'espère que la chanson thème sera Pawn Shop de Gatineau, parce qu'elle est vraiment bonne cette chanson-là. Maintenant, on passe aux États-Unis. On n'a pas vraiment de nouvelles canadiennes cette semaine, malheureusement. Conan O'Brien animera son talk show jusqu'en 2018. L'animateur Conan O'Brien continuera à piloter son talk show pendant au moins 4 ans. La chaîne américaine TBS a annoncé avoir prolongé le contrat d'animateur jusqu'en 2018. Conan est diffusé sur les ondes de TBS depuis novembre 2010. L'émission est présentée du lundi au jeudi à 23h et diffusée au Canada sur les ondes de CTV. L'annonce de mercredi, donc dernier, survient alors que le paysage est en train de se modifier radicalement en fin de soirée à la télévision américaine. Dans les derniers mois, Jimmy Fallon a remplacé Jay Leno à la barre du Tonight Show à NBC. À CBS, David Letterman a annoncé qu'il prendrait sa retraite l'an prochain, laissant sa place au Late Late Show à Stephen Colbert. La chaîne spécialisée Comedy Central, qui hébergeait Stephen Colbert jusque-là, a dû trouver un remplaçant à Colbert, qui animait l'émission humoristique de The Colbert Report. Pardon. Il sera remplacé par un correspondant du Daily Show, Larry Wilmore, le Senior Black Correspondent, qui va animer, lui, The Minority Report. Donc, TBS a récemment annoncé qu'en 2015, O'Brien deviendrait le premier animateur de fin de soirée à diffuser son émission en direct, ben pas en direct, mais en différé, en tout cas sur place, au San Diego Comic-Con. Restons à TBS, où on a annoncé trois nouvelles séries lors des Upfronts. Ça, c'est là où on annonce les émissions de l'automne. On va parler tantôt des grands réseaux, mais pour l'instant, TBS, donc, qui a dévoilé les bandes annonces des principales nouvelles émissions qui seront diffusées à la chaîne pour la saison 2014-15, qui inclut Angie Tribeca, Buzzies et Your Family or Mine. Premièrement, la nouvelle comédie Angie Tribeca, qui met en vedette Rashida Jones, qu'on connaît pour The Office, dans le rôle d'une policière du Los Angeles Police Department. Cette comédie satirique qui va parodier des drames policiers et d'enquêtes criminelles. Donc, une parodie, j'aime toujours les parodies. TBS a commandé 10 épisodes. C'est produit par Warner Horizon. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est aussi produit par Conoco, la compagnie de Conan O'Brien. Et les producteurs délégués vont être, entre autres, Steve Carell et Nancy Carell, donc le duo mari et femme de The Office. Your Family or Mine est basée sur une sitcom israélienne qui a déjà été travaillée par ABC à l'époque, mais qui n'avait pas été choisie. L'émission va suivre un jeune couple avec leurs deux filles alors qu'ils doivent s'organiser avec leur belle famille. J'ai regardé la bande-annonce, on voit à peine leurs filles. Mais bon, c'est surtout une histoire de famille, hein, d'où le titre Your Family or Mine. D'ailleurs, les producteurs sont, entre autres, Greg Malins de Friends. Quand même. Et finalement, Buzzies, présenté par les créateurs de la comédie Will and Grace des années 90. C'est une sitcom qui se déroule chez un barbier de Charlestown et qui met en vedette George Wendt, qu'on connaît pour Cheers, et Ashley Tisdale, que vous connaissez peut-être de High School Musical. C'est produit par... par Comet Entertainment. Les producteurs délégués sont David Cohen et Max Muchnick, qui étaient les deux personnes derrière Will and Grace, ainsi que James Widows de Two and a Half Men, Mon Oncle Charlie, comme je disais en intro d'émission, une des pires sitcoms de tous les temps, à mon avis. J'ai regardé là aussi l'extrait et ça n'a pas l'air trop mauvais. Des acteurs que j'aime bien dedans, on dirait que peu importe ce qu'ils font, je les trouve drôles, mais le texte en tant que tel est assez facile. Cougar Town, toujours sur TBS, va tirer sa révérence en 2015. C'est malheureux, il y a beaucoup plus de fans qu'avant de Bienvenue à Cougar Town, entre autres qui jouent à la chaîne, c'est rendu comment, Moi et compagnie de télé, chose comme ça. Cougar Town s'arrêtera l'année prochaine à l'issue de sa 6e saison, a annoncé la chaîne de diffusion américaine TBS. La chaîne câblée a reconduit sa confiance à cette comédie en lui accordant une nouvelle saison de 13 épisodes qui poursuivront les aventures amoureuses de Jules Cobb, agente immobilière d'une quarantaine d'années incarnée par Courtney Cox. Mais ces 2 millions de fidèles seront tristes d'apprendre que la 6e saison attendue début 2015 sera également la dernière. TBS a récupéré la comédie de ABC en 2013, la suivante d'une annulation certaine, faute d'audience suffisante chez ABC. Jusque-là, la chaîne câblée s'était montrée satisfaite des codes d'écoute enregistrés par la série depuis son arrivée, mais en un an, la comédie a perdu près d'un million de téléspectateurs. Donc, c'est quoi? C'est la moitié, parce qu'on avait dit 2 millions de fidèles tantôt. Et quand tu chutes autant après un nouveau début, une renaissance sur un nouveau réseau, c'est sûr qu'on va pas nécessairement faire durer ça. Un peu comme Scrubs, quand ils sont passés de NBC à ABC. Les codes d'écoute avaient beaucoup baissé. Tu fais juste une saison à ce temps-là. T'as au moins essayé de les sauver. Une série qui, j'espère, ne sera pas sauvée par personne, c'est Two and a Half Men. On a parlé de ça plusieurs fois, en tout cas, à l'émission. Il me semble que c'est un running gag. La présidente de CBS Entertainment, Nina Tassler, a confirmé que la comédie Two and a Half Men, Mon Oncle Charlie, aura droit à une 13e et dernière saison. Le réseau planifie une finale similaire à celle de Comment je l'ai rencontré, How I Met Your Mother, la saison passée. Le producteur délégué et co-créateur Chuck Lorre veut faire un événement qui dure toute une saison. Donc Two and a Half Men a défié toutes les prédictions en survivant à l'écroulement public et au renvoi de son acteur vedette Charlie Sheen et a fini par survivre pendant 4 autres saisons avec Ashton Kutcher qui a pris la relève. Questionnant à savoir si Charlie Sheen fera une apparition spéciale dans la dernière saison de Two and a Half Men. Qui a demandé ça? Premièrement, ils l'ont tué. Spoiler alert, il y a 4 saisons, au début de la première de Ashton Kutcher. Ils ont tué Charlie Sheen, donc est-ce qu'on le fera revenir à la vie ou est-ce qu'il sera là en fantôme? Le gars s'est mis à dos toute la production, dont Chuck Lorre. C'est pour ça qu'il est plus à l'émission. Tout le monde le déteste. Et là, ils s'attendent à ce qu'ils reviennent pour une finale. Peut-être que ça pourrait être un bon coup de marketing de le faire revenir, mais en même temps, pourquoi donner de grosses cotes d'écoute à une finale si l'émission ne revient pas? Ça ne va absolument rien changer, de toute façon, côté commanditaire. Mais bon. C'est ça, Nina Tassler a dit « Chuck Lorre a plusieurs surprises. » mais je suis pas certain que ce soit une de ses idées. Je ne crois pas non plus. Maintenant, lâchons les... lâchons les sitcoms, mais restons un petit peu dans le domaine parce que Neil Patrick Harris est une des vedettes de « Comment je l'ai rencontré », on en parlait tantôt, aurait pu remplacer David Letterman. Ah oui. selon des rumeurs. Neil Patrick Harris était l'un des candidats de CBS pour reprendre la barre du Late Show de David Letterman, mais Stephen Colbert ayant comblé la place, on a passé sous silence l'intérêt de la chaîne pour l'acteur. El Canada, le magazine, rapporte en effet que l'acteur était l'un des choix du réseau et que les dirigeants de la chaîne avaient contacté la vedette de Comment je l'ai rencontré afin de sonder son intérêt. Et je cite, « Ils m'ont appelé et je me suis assis avec eux. Ils m'ont demandé si c'était quelque chose que je souhaiterais faire. » Ça, c'est évidemment Neil Patrick Harris qui a dit ça. Cependant, l'acteur de 40 ans aurait refusé l'offre, que l'on dit par ailleurs lucrative, afin de conserver ses options et ses horaires flexibles. L'ancien enfant star s'est dit flatté, mais ne se voyait pas pris dans le carcan d'une émission quotidienne déjà rodée. Il pourrait cependant animer une émission de variété hebdomadaire pour CBS, peut-être. David Letterman doit prendre sa retraite l'an prochain, peu de temps après que Jimmy Fallon ait repris le Tonight Show de Jay Leno, plutôt cette année. Donc, encore une fois, beaucoup de remaniements, mais ce ne sera pas Neil Patrick Harris au Late Show. Maintenant, restons dans le même domaine avec How I Met Your Dad. On avait parlé de ça il y a quelques semaines, quelques mois. À l'émission, comme de quoi que cette série dérivée-là de « Comment je l'ai rencontré » allait peut-être avoir lieu cet automne en 2014 sur CBS. Et bien, on a appris il y a quelques temps que ça n'aurait pas lieu. Mais, comme je disais, donc mise de côté par CBS, la comédie « How I Met Your Dad » pourrait finalement voir le jour à la télé. Netflix et d'autres diffuseurs se montreraient intéressés pour récupérer le projet qui possède un fort potentiel compte tenu de l'énorme popularité de la série originale. CBS présentait à la presse sa grille des programmes pour la saison 2014-15. Malgré un buzz certain autour de « How I Met Your Dad », la chaîne a décidé de faire l'impasse sur le pilote, lui préférant « The Hot Couple », drôle de couple, genre, avec Matthew Perry, et « The McCarthys ». Insatisfait de l'épisode test réalisé avec Greta Gerwig dans le premier rôle, CBS avait souhaité donner une nouvelle chance aux créateurs Carter Bays et Craig Thomas, mais ces derniers n'avaient pas souhaité retenter leur chance. Leur travail ne resterait pas en vain puisqu'il pourrait intéresser d'autres chaînes. Deadline évoque la Fox et NBC ainsi que la plateforme numérique Netflix. Celle-ci a déjà sauvé de l'annulation quelques séries. Elle a notamment offert une quatrième saison à Arrested Development, Les Nouveaux Pauvres, et The Killing, dont le lancement est prévu pour le 1er août. Elle a également repris à son compte la série d'animation Star Wars The Clone Wars de Cartoon Network. Et la télé commence à perdre des abonnés. Dans une année marquée par la montée en popularité des services de télévision alternatifs par Internet comme Netflix, les distributeurs canadiens de télévision traditionnelle ont observé une légère baisse de leur nombre d'abonnés en 2013, une première depuis au moins 2009, selon les données financières publiées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC. Je vous lis un petit peu l'article de la presse. Moins 0,07%, c'est la diminution minime en soi, mais symboliquement significative du nombre combiné aux services télévisuels des câbles distributeurs et distributeurs par satellite au Canada en 2003. Très exactement, ce sont 7602 abonnés en moins sur un total d'environ 11,5 millions. Plus 4,8, même avec moins d'abonnés, les revenus ont continué d'augmenter pour atteindre un total combiné de 14,8 milliards de dollars. C'est sûr que tout le monde monte ses prix à chaque année. Au mois de janvier, on reçoit un petit mot de nos compagnies de distribution télévisuelle qui nous disent « Hey, on va monter ça! » Ah, vous avez rien à dire. Ok, merci, bye. Bye bye satellite. Sans surprise, ce sont surtout les fournisseurs de services par satellite qui souffrent de la diminution des abonnements. Les câbles distributeurs canadiens ont vu le nombre de leurs abonnés progresser de 1,46% et leurs revenus croître de 6,06%. De leur côté, les distributeurs par satellite ont encaissé des reculs respectifs de 4,76% et 0,86%. Le Québec aime le câble. La progression du nombre d'abonnés au Québec au câble est plus de deux fois supérieure à la moyenne nationale, plus 3,48%. La progression des revenus, elle, est tout juste supérieure à 6,66%. Le chiffre du yaube. À la marge de profit avant impôt des câbles distributeurs canadiens a été de 19,4% au Canada, exactement la même qu'en 2012. Et relativement stable depuis 5 ans, les câbles québécois font légèrement mieux à 21,5%. Pardonnez-moi, cinquième semaine de toussement dans le micro. Je m'en sortirai jamais, je le dis à chaque semaine, c'est bien le fun. Maintenant, parlons un petit peu de l'automne 2014-2015. Du côté des séries américaines. On a abordé un petit peu le sujet la semaine passée. L'émission était le lundi et c'était le lundi justement qu'on commençait à annoncer les émissions. Alors ce que je vous avais dit, c'était un petit peu pour vous mettre l'eau à la bouche, vous titiller avec des fuites qui avaient eu lieu. Et là, on a les vraies programmations complètes. Est-ce que je vais être capable de le faire? Je sais pas. Les cases horaires complètes et programmations des grands réseaux américains. Donc allons-y par ordre. Tiens, je vais les mettre par ordre alphabétique. Ça vous tente-tu, ça? J'aime ça. C'est ici. Parfait, OK. Commençons par ABC, donc. Il y a une nouvelle émission, les mardis à 20h, qui s'appelle Selfie. Oui, Selfie, comme les photos. Eliza Dooley Alors, 263 000 suiveurs qui s'accrochent à chacun de ses billets, tweets et selfies. Mais un jour, elle a une révélation. Se faire prendre en ami n'est pas la même chose que d'avoir des vrais amis. Elle demande à un gourou du marketing, Henry, de faire un rebranding, de changer son image de marque. Sa réputation d'obsédée par elle-même va devoir changer et elle va apprendre à connecter avec les gens. Ça met en vedette Karen Gillan, je crois, qui est de l'émission Doctor Who au Royaume-Uni. Donc, elle va prendre un accent américain dans cette émission-là. J'ai écouté la bande-annonce, elle prend un accent américain. Pas sûr de ça, mais les accents américains. John Cho, qu'on connaît de Star Trek, les films récents, oui. C'est ça, et plein d'autres gens. Ça, d'après moi, ça ne durera pas ben longtemps, peut-être deux épisodes. Ensuite, Manhattan Love Story, les mardis à 20h30. Donc, si on comprend bien, Selfie dure seulement une demi-heure, donc c'est une genre de sitcom. Même chose pour Manhattan Love Story. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que votre date, ce que votre rendez-vous romantique pensait? Cette comédie romantique expose la différence entre les hommes et les femmes via leurs pensées sans filtre, leurs actions contradictoires et un nouveau couple qui vient tout juste de commencer à sortir ensemble. Ça met en vedette Annaleigh Tipton, entre autres. Forever, les mardis à 22h cet automne, le docteur Henry Morgan, une vedette médicale, si on veut, de New York, a un secret. Non seulement est-ce qu'il étudie les morts pour résoudre des cas criminels, mais il le fait pour résoudre les mystères qu'il poursuit depuis 200 ans. C'est la réponse par rapport à sa propre immortalité. Donc le gars ne peut pas mourir. Blackish, les mercredis à 21h30. Andre Dree Johnson a un vrai travail, une très belle femme qui s'appelle Rainbow, 4 enfants et une maison en banlieue. Mais est-ce que le succès lui amène l'assimilation de sa famille? Donc, on se demande s'il s'intègre trop à la communauté blanche. Donc, ça s'appelle Blackish, comme dans genre noir, style comme genre. Un genre de noir, comme dirait sûrement Simon Fitzbé. How to get away with murder, les jeudis à 22h. Une professeure, Annalise Keating, remplie de charisme et de séduction, se fait, genre, est comme intégrée dans un... comment je pourrais bien dire ça? Il y a 4 étudiants dans sa classe. Sa classe s'appelle How to get away with murder. Ils ne savent pas qu'ils vont devoir appliquer ce qu'ils ont appris dans leur vie, dans leur cours, à la vraie vie, dans un genre de thriller légal rempli de suspense. Wow, quelle traduction mauvaise de ma part. Christella, une nouvelle sitcom, les vendredis à 20h30. Elle est en 6e année d'école de loi. Christella pourrait finalement avoir son premier stage non payé dans une firme de loi prestigieuse. Le seul problème, c'est que son chemin vers le succès est plus ambitieux que ce que sa famille mexicano-américaine trouve approprié. Donc, il trouve qu'elle veut aller trop loin dans sa carrière, je sais pas trop. Ensuite, American Crime, ça s'en vient bientôt. Je ne voulais pas le résumer parce que c'est même pas encore à l'horaire. Il y a aussi Fresh Off the Boat, qui est la première sitcom asiatique-américaine, si on veut, depuis des décennies. Donc, ça se passe dans les années 90. Ça, c'est très, très bien critiqué par les gens qui ont vu l'épisode pilote jusqu'à maintenant. Donc, ça a quand même beaucoup de potentiel. Fresh Off the Boat, plus tard dans la saison. Il y a aussi Galavant, qui m'intéresse un petit peu. C'est Dan Fogelman et le compositeur de musique Alan Menken, qui a travaillé entre autres sur La Petite Sirène, font un conte de fées, comédie musicale épique. Genre, ça s'appelle Galavant, donc on va vraiment chanter dans ces émissions-là. Ça, c'est sûr que ça ne durera pas. Il y a toutes les émissions qui ont été musicales à la télé depuis les dernières années ont toutes été des flops, mais quand même, je vais suivre ça. Évidemment, on avait entendu parler de Marvel's Agent Carter, le spin-off de l'autre émission de Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. Donc, ça s'en vient plus tard dans la saison aussi. Secrets and Lies et The Whispers. Donc, toutes des émissions qui, d'habitude, quand ça arrive à la mi-saison, il n'y a pas grand-chose que ça fonctionne bien. Sinon, on les aurait choisis pour la saison automnale. Mais quand même, on va en parler peut-être plus tard quand il y aura de nouvelles émissions au courant de la saison. Allez voir l'horaire complet sur ABC.com. Si on passe à CBS, qui n'a pas beaucoup d'émissions, on avait déjà parlé de Madame Secretary avec Tia Leoni qui joue le rôle de la Secretary of State, secrétaire d'État, qui est dure, juste et intelligente. C'est une histoire de office politics, donc ce qui se passe dans un bureau. Ensuite, les McCarthy's, basés sur la vraie vie de Brian Gallivan. C'est une comédie familiale qui parle d'une famille de Boston qui aime beaucoup les sports. NCIS New Orleans, pardon. Donc, toute l'action, le drame et l'humour de NCIS, mais dans une nouvelle ville. Donc, ça va ressembler à toutes les autres. Il n'y a absolument rien de nouveau là-dedans. Scorpion, inspiré d'une histoire vraie. Scorpion suit un génie excentrique et son réseau de prodiges nerds. qui opère une branche du Homeland Security aux États-Unis. Et finalement, Stalker, un thriller psychologique intelligent sur des détectives du Los Angeles Police Department dans l'unité Threat Management, donc gestion des menaces. Il se spécialise dans le tracking, si on veut, de stalker. Je suis désolé de moi en anglais, mais genre des stalkers, des gens qui espionnent d'autres gens. Ça a l'air bon, Stalker, j'aime beaucoup. Sinon, toujours en ordre alphabétique, dans les horaires d'automne, sur la CW, donc le réseau CW, encore une fois, pas grand-chose. Et les résumés sont pas tellement présents sur Internet tant que ça, mais il y a entre autres Jane the Virgin, une nouvelle émission les lundis soirs, ainsi que The Flash, une autre nouvelle émission de super-héros qui va ressembler à toutes les autres, donc je vais pas vraiment en parler plus que ça, mais ça va être dans le même moule que Arrow, entre autres. Donc ça, c'est sûr que ça va être très populaire. Le retour de Whose Line Is It Anyway, le classique America's Next Top Model, et les autres émissions comme Rain, Vampire Diaries, The 100, Supernatural et The Originals. Ça, c'est l'automne à CW, pas grand-chose de nouveau. Sur la Fox maintenant, pour l'horaire 2014-2015, il y a beaucoup trop d'émissions. Pour vrai, Fox, il y a tellement pas grand-chose qui marche, on dirait qu'ils se mettent un paquet de nouvelles émissions là, en réserve au cas où. Il y a entre autres la suite de 24, ça on a déjà parlé, 24 Live Another Day. La nouvelle émission de Rainn Wilson, qu'on connaît pour The Office, qui s'appelle Backstrom. Boom, ça c'est un nouveau quiz. J'ai été voir un petit peu, ça, encore une fois, les quiz, c'était à la mode il y a quelques années. Là, en ce moment, il y a un petit peu une période mode pour les quiz, mais bon, on essaye quand même. Un nouveau dessin animé, Border Town. Il y a le nouveau Fox Comedy Incubation avec la gang de Lonely Island qui vont essayer de développer les nouvelles émissions pour l'horaire de Fox, donc comme si on en manquait. Gang Related, on a déjà parlé. Gotham, la nouvelle émission avec Batman dedans. pour vrai, ils ont toutes mis les émissions de toute la saison au complet. Je vais regarder plus l'horaire, tiens. Donc, Gotham, Sleepy Hollow est de retour. Utopia, la nouvelle émission de télé-réalité du gars de Big Brother. Évidemment, le retour de New Girl et Mindy Project. Hell's Kitchen, le nouveau drame Red Band Society. Bones est de retour. Grace Point, la nouvelle adaptation de Broadchurch qui joue à Radio-Canada en ce moment. Masterchef Junior est de retour. Et puis, les dimanches. On a essayé de faire quelque chose de différent dimanche soir sur Fox. Ils vont faire de la ségrégation entre les dessins animés. En fait, il n'y aura pas de ségrégation, plus de ségrégation entre les dessins animés et les sitcoms. Donc, on va faire dessins animés, sitcom, dessins animés, sitcom. Je trouve que ça fait un drôle de mélange. Ils vont faire Bob's Burgers, The Simpsons, Brooklyn Nine-Nine avec Andy Samberg, Family Guy et ensuite Mulaney, une nouvelle sitcom. Je sais pas, moi, j'aurais mis Brooklyn Nine-Nine et Mulaney ensemble, mais bon, faut croire que Fox savent ce qu'ils font. Et finalement, pour NBC, qui est encore... pas encore, mais pour vrai, celui qui se cherche le plus depuis les dernières années, il n'y a absolument rien qui fonctionne à part la voix version américaine sur NBC. Donc, ils essayent tout à toutes les cases horaires. Ils se débarrassent de plein d'émissions. Et là, il y a plein d'émissions qui ont été retirées après des longues séries. Plusieurs saisons. Entre autres, Parks and Recreation qui s'en va, qui va avoir une dernière saison cet automne. Je pense que c'est à l'hiver, mais en tout cas, peu importe. Donc, ils ont un nombre record de nouvelles émissions. Il y a entre autres State of Affairs qui s'en vient en novembre avec Catherine Heigl, Marry Me les mardis, The Mysteries of Laura, ok, pas vraiment de résumé à dire, le Bad Judge, Constantine, une série que moi je surveillerais si j'étais vous et que j'espère qu'elle va avoir du succès, c'est A to Z, les jeudis cet automne, ça va être avec la fille qui jouait, c'est Christine Milioti, qui jouait la mère dans How I Met Your Mother. Le même genre d'histoire romantique est raconté dans l'ordre de A à Z. C'est ça la twist un peu. C'est qu'un des deux personnages s'appelle... en fait, le gars s'appelle genre... quelque chose comme Andrew. Et la fille s'appelle genre Zelda. Donc, from A to Z. Et leur histoire va être racontée du début à la fin, de leur rencontre jusqu'à leur rupture éventuelle, jusqu'à, tu sais, peu importe les étapes qu'il va y avoir. Donc, on va suivre ça d'épisode en épisode. Et moi, j'adore Christine Milioti. Donc, j'ai vraiment hâte de suivre ça. C'est sûr que c'est la série que je vais suivre. Sinon, il y a plein d'autres émissions qui s'en viennent plus tard dans la saison. Entre autres, Aquarius avec David Duchovny de X-Files. Un paquet de sitcoms aussi qu'ils ont au cas où les autres ne fonctionnent pas. Dont une avec la fille que je jouais dans... est-ce que l'affiche... Oui, c'est ça, on peut cliquer sur les émissions. Il y a beaucoup trop d'émissions pour faire le survol complet. Mais Ellie Kemper de The Office va avoir sa propre sitcom qui s'appellera Unbreakable Kimmy Schmidt. Mais tout ça, encore une fois, n'est pas à l'horaire à l'automne. Il va falloir attendre que les émissions soient des échecs. C'est ce qui me surprend qu'il l'annonce dès le départ que les émissions vont être des échecs, en ayant autant d'émissions en backup. Donc voilà pour les émissions de cet automne. Il y en a beaucoup, mais c'est sûr que celle que je vais suivre le plus, c'est A to Z. Et le reste, il n'y a aucune façon. Pour vrai, quand t'embarques dans une émission de télé, à l'automne et qu'elle dure pas longtemps, t'es triste. Donc moi, j'attends qu'elle revienne, on dirait, pour une deuxième saison avant de m'embarquer dedans. Parce que même l'année passée, il y avait des tonnes d'émissions que je voulais écouter. Et j'ai bien fait de pas les écouter parce que ça a duré 6-7 semaines. C'est ce qui est déprimant dans la télé américaine. Et ce qui est un des avantages d'être au Québec ou au Canada anglais ou peu importe, même je dirais plus au Québec, c'est qu'on a tendance à attendre que les séries soient populaires avant de les amener. Donc quand t'embarques dans une série, tu sais qu'elle a déjà un certain succès. Alors qu'aux États-Unis, c'est un guess. Tu devines, c'est comme un pool. T'sais. Et d'ailleurs, il y a des pools sur quelle émission va être tirée en premier. Moi, je dirais Selfie, clairement. Donc, allons-y avec les codes d'écoute pour la semaine du 28 avril au 4 mai. On va commencer par le Québec, bien sûr. Position 15 à 6 en rafale, Vengeance, L'Épicerie et Dieu, Cré à la flaque, Dérapage, La Facture, TVA Nouvelle 18h, Le Tricheur, Juste pour rire et La Pause d'or et LOL. J'ai mis un et pour rien. En 5e, Dans l'œil du dragon à Radio-Canada. En 4e, Gala Artiste en coulisses à TVA. 3e, Testé sur les humains à TVA, 1 300 000. En 2e, Tout le monde en parle à Radio-Canada, 1 555 000. Et en première place, le hockey des Canadiens, évidemment, série éliminatoire ronde 2 RDS avec 1 820 000. Au Canada anglais, position 15 à 6 rapidement, The Blacklist, The Mentalist, Blue Bloods, Castle, Criminal Minds, la NHL, Survivor, CSI, MasterChef Canada et Grey's Anatomy. En 5e, NCIS Los Angeles, 2 344 000. 4e, NCIS, 2 356 000. En 3e, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. sur CTV, 2 409 000. 2e, The Amazing Race sur CTV à 2 507 000. Et finalement, The Big Bang Theory, toujours un succès énorme à CTV, 3 596 000, presque 4. 3,5 millions, c'est pas nécessairement presque 4. Et finalement, pour les invités dans des talk shows américains, comme on finit toujours avec ça, au Late Show de David Letterman sur CBS, on retrouve demain soir, mardi, Sarah Silverman. Jeudi, Stephen Colbert, le futur remplaçant de David Letterman, quand même. Ça va être intéressant, ça. Et vendredi, Lindsay Lohan. Au Tonight Show de Jimmy Fallon sur NBC, ce soir, Liam Neeson et Terry Crews, le nouvel animateur de Who Wants to Be a Millionaire. On l'a pas dit dans les nouvelles tantôt, mais c'est vrai, il va remplacer Cedric the Entertainer à ce quiz qui veut gagner des millions. C'est le gars qui annonce Old Spice à la télé. Celui qui a des gros muscles, qui fait bouger ses muscles tout le temps. Terry Crews. Mardi, Charlize Theron. Mercredi, Hugh Jackman. Jeudi, Emile Seyfried. Et vendredi, Seth MacFarlane de Family Guy. Jimmy Kimmel Live sur ABC. Mercredi, Adam Sandler. Et jeudi, Magic Johnson, qui a créé par inadvertance la controverse en faisant parler de lui de façon raciste par Donald Sterling des Clippers au basket. Et au Late Late Show de Craig Ferguson, Regis Philbin est là ce soir. Mercredi, Jeff Foxworthy. Jeudi, Tom Lennon, qui va jouer dans The Odd Couple, la nouvelle sitcom avec Matthew Perry. Et vendredi, Jon Favreau. À Seth Meyers, Late Night, sur NBC. Ce soir, Patrick Stewart. Mercredi, Jennifer Lawrence. Et jeudi, Hugh Jackman. Un paquet d'autres gens comme ça. Allez voir la liste sur assemblagerequis.com. C'était très long comme Television. C'est rare qu'on fait ça. C'est à peu près le double de ce qu'on fait. Mais il y avait tellement de nouvelles pour l'automne. J'ai vraiment hâte de regarder les bandes annonces de tout ça. Évidemment, c'était la semaine passée. J'aurais eu le temps, mais je ne l'ai pas fait. C'est difficile pour vrai parce que tu écoutes une bande annonce et c'est fait pour que tu aies envie de l'écouter au complet à l'émission. T'sais. Donc là, ça va comme rajouter trop d'affaires à ma liste. C'est comme ça que je vois ça, je vois ça comme une montagne, les émissions qu'il y a à l'automne. Mais bon, voilà, assemblagerequis.com pour tous les liens de tout ça. Retournons en chiptune un peu. Alors, on va l'entendre un autre bloc de deux pièces. On va commencer avec une autre chanson de Dan Tillian. On l'a écouté tantôt, Dan Tillian, mais il y a une deuxième pièce de lui. Apparemment, donc voici Year 4097 MPS, le Mathieu Plante Show. Assez fou. CHOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou 89.1. Yes, I want you in my bedroom sur l'album Chip Funk, disponible depuis le 21 avril, donc c'est tout nouveau, protodome.bandcamp.com. Toujours Mathieu Planchou et on continue avec cette fête à Collection. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véritables et vérifiables, mais par rapport à Internet, évidemment, la chronique sœur de C'est un fait qu'on fait à Assemblage Requis tous les jeudis après-midi cet été. Allons-y avec les choses qui sont passées cette semaine dans l'histoire. En 1936, l'Université de Washington, le professeur en éducation, Auguste Dvorak, a reçu un brevet pour un nouveau système, une nouvelle façon de placer les touches sur un clavier. Donc, c'est reconnu que c'est supérieur au QWERTY. C'est le système qu'on appelle le Dvorak, D-V-O-R-A-K. Mais ce clavier-là n'est pas tellement utilisé de nos jours. En 2005, Elijah Wood révélait la Xbox 360 au MTV Music Awards. Microsoft n'avait pas annoncé à cette époque-là le prix ou la date de sortie, disant seulement que ça allait sortir d'ici la fin de l'année. Ensuite, ça c'était le 12 mai. Le 13 mai, maintenant, en 1939, Franklin Doolittle a expérimenté qu'une nouvelle station de radio expérimentale, W1XPW, en ondes. C'est donc la première station de radio FM commerciale aux États-Unis. La station est plus tard devenue WDRC-FM à Bloomfield, dans le Connecticut. En 1958, la marque Velcro a été enregistrée, protégeant son nom. Le nom, évidemment, de ce matériau à usage multiple qu'on peut mettre entre autres sur des fils. On va essayer de rendre ça un petit peu plus geek que de juste dire que c'était la marque Velcro qui avait été enregistrée, qui n'est pas tellement geek. En 1976, Atari sortait le jeu vidéo Breakout, donnant à son système de télécommande quelque chose à faire d'autre que juste jouer à Pong. Il n'y a pas grand-chose d'autre que ça. 14 mai, absolument rien. 15 mai non plus. Et 16 mai, est-ce qu'il y a quelque chose le 16 mai? Non. 17 mai. Je m'excuse, j'ai encore pas mes soulignements, comme à chaque semaine. Hein. Ça commence à être l'habitude de chialer là-dessus. Mais je prends la peine de souligner, puis je les ai pas. C'est ça. Je pense que je vais arrêter là. Est-ce qu'il reste juste le 18 mai? Oui. Donne-moi quelque chose le 18 mai. Ouais. En 1923, la première application d'un brevet pour le téléphone, tu sais, avec le truc rotatif, là, le truc déplacé que tu mettais ton doigt dedans, a été soumis en France par Antoine Barnet. Voilà pour les choses dans l'histoire. Allons-y avec un petit peu plus facile, tiens, des faits sur les jeux vidéo. Le design de Link dans le jeu Ocarina of Time a été changé après que la femme d'un des développeurs ait dit, et je cite, « Tous les personnages de Nintendo ont des drôles de nez. » Vous n'avez pas de beaux nez à mettre sur les personnages. Des nez handsome, des nez bel homme, si on veut. Donc, Link s'est fait donner un nez plus défini et une oreille percée pour essayer de le rendre plus cool. On disait que le nouveau Link ne fitterait pas dans le style de Nintendo s'il était trop cool. Donc, on lui a donné des sous-vêtements très, très longs pour qu'il redescende d'une coche un petit peu moins cool. S'il était trop cool, ça ne fitterait pas avec Nintendo. Ça, qui disait? Mais bon, je trouve qu'il est cool pareil, Link. Il y a un ennemi qui s'appelle le Gonarch dans Half-Life, le jeu vidéo Half-Life. Il est né quand un des développeurs a demandé pourquoi est-ce qu'on mettrait pas un énorme testicule sur une araignée de 20 pieds de haut. Et c'est ce que ça a donné. Allez voir la photo sur assemblagerequis.com. C'est en effet une grosse araignée avec un gros testicule. La lumière de la Wii. Tu sais, la Wii originale avait une petite lumière bleue à l'intérieur de la fente pour insérer les jeux. Donc, une petite lumière bleue qui clignotait. Le clignotement est synchronisé à un oiseau qui s'appelle le Japanese Bush Warbler. Donc, la lumière fait le même rythme que l'oiseau en tant que tel. C'est cool. Hein? Segata Sanshiro est une mascotte japonaise pour la console Sega Saturn. C'est un humain, premièrement. On le voit, un genre de... Peut-être pas un ninja, mais un genre de Karate Kid, si on veut. Donc, Segata Sanshiro. On peut le voir en train de se promener à dos d'un missile. Lorsque ton joueur mène est en première place dans le dernier tour de Race of Ages, qui est un tableau dans le jeu Sonic and All-Stars Racing Transform, qui est disponible sur à peu près toutes les consoles. Donc, Sonic and All-Stars Racing, un jeu de course avec Sonic et toutes les autres vedettes de Sega. Donc, on peut voir la mascotte se promener sur un petit vaisseau, sur un missile. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Je savais même pas qu'il y avait une mascotte japonaise pour la Sega Saturn, moi. Parlons de Mario Bros 3, le roi. Vous savez, dans Mario Bros 3, le roi est transformé en différentes affaires là, par Bowser, c'est ça, dans Mario Bros 3. Donc, il va te donner un message différent si t'arrives et tu bats. Si Mario bat les tableaux avec un bateau, on voit le roi après te féliciter, etc. Donc, si tu portes l'habit de grenouille, l'habit de tanuki ou encore l'habit marteau, le roi va penser que Mario a été transformé lui-même en grenouille. Donc, il y a un texte spécial quand tu portes l'habit grenouille. Quand tu portes l'habit de tanuki, qui ressemble à un raton laveur, ben, il te prend pour un raton laveur. Il dit que c'est un raton laveur. Et si Mario porte l'habit marteau, il va demander s'il peut t'emprunter tes vêtements. Donc, ça, moi, je savais vraiment pas ça. Pourquoi tu ne me prêterais pas tes vêtements? Pourquoi pas? L'autre, merci gentil raton laveur. Et l'autre, ah, t'as été transformé toi aussi. Est-ce que je peux te changer avec cette baguette que je viens de recevoir? Parce qu'évidemment, tu le sauves en ramenant la baguette dans le jeu. Dans les Sims 3, sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, l'expansion Into the Future a une maison préfabriquée qui s'appelle Formerly the Plains Express Household. Et les membres de la maison sont Frédéric Rama, Lila Turney et un robot qui s'appelle Bendo. Et là, si vous remarquez les prénoms, Frederick, je l'ai mal prononcé, Frederick, Lila et Bendo, c'est des références à l'émission Futurama et l'équipe du Planet Express. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Plains Express Household et le vaisseau, c'était Planet Express dans Futurama. Et Frederick, c'est pour représenter Fry. Lila Turney, c'est pour représenter Lila et Bendo pour Bender. Dans le jeu Railworks sur PC, qu'on connaît maintenant sous le nom de Train Simulator 2014, depuis mai 2014, donc en date de mai 2014, le coût de tous les ajouts, tout le DLC, le downloadable content, le contenu qu'on peut télécharger pour le jeu Railworks, coûterait $3,772,25 américains. si tu voulais avoir tout le contenu additionnel de ce jeu-là, Train Simulator 2014. C'est le prix le plus cher pour le DLC de tous les jeux vidéo qui existent. Hey, on termine avec un petit bloc sur Grand Theft Auto, comme on le fait une fois de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans Grand Theft Auto. Dans le troisième, Grand Theft Auto 3, PC, PlayStation 2 et Xbox, toutes les chansons de la station de radio Flashback 95.6 viennent de la trame sonore du film Scarface. Intéressant. Si on tire sur la Lune dans Grand Theft Auto, premier du nom, avec un sniper, ça va faire que la Lune va changer de grandeur dans plusieurs, en fait, des jeux de Grand Theft Auto en 3D. Donc, ce n'est pas le premier, mais c'est plutôt les jeux 3D de Grand Theft Auto. Le premier était en 2D, vu d'en haut. Donc, dans Grand Theft Auto 3, il y a seulement deux formats de lune. Quand tu tires dessus, ça change de format entre les deux. Mais dans les jeux plus récents, tu peux changer. Il y a 8 formes de lune. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand tu tires avec ton sniper. Dans Grand Theft Auto 4 sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, le bâton de billard dans le mini-jeu de billard est catégorisé comme une arme, mais ne peut pas être utilisé ailleurs que dans le contexte de ce mini-jeu-là. Et donc ne peut pas être utilisé comme arme, mais il y a quand même toutes les données nécessaires pour l'utiliser comme arme. Même une icône qui devrait apparaître en haut de l'écran comme quand tu utilises une arme. L'icône est prévue, mais n'est pas utilisée. Dans Grand Theft Auto, le premier, c'est vrai cette fois-ci, sur PC et PlayStation, il y a un graphique inutilisé pour un hélicoptère. Et lorsque tu réussis à l'amener dans le jeu par un code, ça va pouvoir bouger cet hélicoptère-là sur le sol comme si c'était une voiture parce qu'ils n'ont pas programmé le fait de pouvoir faire voler l'avion. Dans Grand Theft Auto 5 sur PlayStation 3 et Xbox 360, au nord-ouest de Fort Zancudo, il y a un ovni dans le ciel qu'on peut y accéder seulement par hélicoptère. L'ovni ne bouge pas du tout. Si tu approches l'ovni, il va faire un gros son vraiment agressant et l'électricité va être coupée de ton véhicule. Donc, tu sais, c'est un petit genre de secret caché pour être drôle. Dans Grand Theft Auto San Andreas sur PC, PlayStation 2 et Xbox, il y a des endroits dans le jeu où les piétons vont se suicider. Un exemple est un photographe près de Flint Intersection, intersection Flint. Un piéton va apparaître là au hasard, va prendre une photo et va ensuite marcher dans l'eau et aller se noyer. Hein? Même chose pour des piétons qui vont se créer sur des bâtisses ou dans le ciel et qui vont tomber au sol. Ça pourrait être des bugs, mais ça pourrait aussi être des œufs de Pâques, donc des secrets cachés, parce que Rockstar avait précédemment créé le jeu Lemmings, alors qu'il s'appelait DMA Design. Rockstar s'appelait DMA Design à cette époque-là. Et ils ont créé Lemmings, qui est le jeu où tu devais entraîner des bestioles à suivre les autres. Donc, c'est comme des lemmings, là, comme tout le monde connaît les lemmings, genre. Ils se sont sûrement inspirés de ça pour faire ça. Dans Grand Theft Auto 4 sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360, il y a des escaliers dans des blocs appartements dans le jeu. Il y a des graffitis sur ces escaliers-là, sur les murs des escaliers, qui vont rendre hommage aux précédents héros des autres jeux. Donc, dans Grand Theft Auto 3, entre autres, Claude, Tommy Vercetti, Carl Johnson, Tony Cipriani et Victor Vance. Il y a des dessins sur les murs des bâtisses, entre autres, qui rendent hommage à ces gens-là. Dans Grand Theft Auto Vice City, au centre-ville de Vice City, près du Vice City News Building, il y a une fenêtre dans laquelle, à travers laquelle le joueur peut passer. Et le joueur va trouver une pièce qui s'appelle Easter Egg Room. Et dans cette pièce-là, il y a un œuf de Pâques, littéralement brun, sur un piédestal. Donc c'est vraiment un secret, comme on dit tout le temps, un œuf de Pâques, c'est un secret qui est juste pour les fans du jeu. Et celui-là est littéralement un œuf de Pâques. Dans Grand Theft Auto 4, Nico Bellic, un des protagonistes du jeu, est basé sur le personnage de Sacha dans le film Behind Enemy Lines de 2001, qui était joué par Vladimir Mashkov. Mashkov s'est même fait demander par Rockstar s'il aimerait jouer le personnage de Nico Bellic, mais il a refusé l'offre, malheureusement. Ils ont quand même gardé son esprit, même s'ils n'ont pas eu sa voix. Et dans Grand Theft Auto 3, à l'intérieur d'un café internet qui s'appelle TW at Internet Café, il y a des ordinateurs qui montrent des captures d'écran de Grand Theft Auto 1 et 2 sur les ordinateurs. C'est comme super auto-référentiel, super méta, super Inception. Donc voilà, pour c'est un fait Tech Edition. D'habitude, dans cette première heure, on finirait avec Merci Science. Fait que je pense que c'est ce qu'on va faire pour pas défaire l'ordre des choses. Donc allons-y. Attends, non. Faudrait que j'aie la musique pour ça, potentiellement, ça pourrait être pas pire. Donc voici, merci Science. Merci Science. C'est la chronique scientifique technologique. J'ai eu de la difficulté aujourd'hui. Ça fait deux semaines. C'est la troisième semaine, je crois, qu'on fait Merci Science. Et c'est de déterminer en ce début de saison où mettre la ligne entre qu'est-ce qui est science et qu'est-ce qui est technologique. Je ne sais pas encore. J'ai enlevé tout ce qui n'était pas littéralement scientifique, donc tu sais, ADN et autres trucs vraiment très poussés. Je les ai mis dans CNX si ça avait rapport avec plus la technologie, mais je pense que je devrais prendre tout ce qui est avancé technologique et scientifique dans ce bloc-là, parce que sinon, je vais avoir juste comme cette semaine deux nouvelles. Donc allons-y avec la première, faites l'amour, pas la guerre. C'est peut-être le message qu'il faudrait faire passer à certains neurones. Des chercheurs californiens ont découvert que s'ils stimulaient certaines cellules du cerveau, des souris cherchaient soit à se battre, soit à copuler. Les comportements agressifs et sexuels sont tous deux innés chez les animaux. Ils sont commandés par certains neurones du cerveau et des scientifiques du California Institute of Technology, donc Caltech, ont localisé dans l'hypothalamus des neurones liés à ces deux comportements. Dans un article publié dans Nature, les chercheurs présentent les résultats étonnants qu'ils ont obtenus sur des souris en essayant de stimuler des neurones situés dans l'hypothalamus ventromédial. Les mêmes cellules inciteraient à la fois à la violence et au rapport sexuel. Pour arriver à ce résultat, ils ont employé une technique particulière qui est l'optogénétique, qui utilise des impulsions lumineuses pour stimuler des neurones. Par exemple, une fibre optique pourrait être implantée dans le cerveau d'une souris. La lumière émise permettrait de contrôler des neurones génétiquement modifiés afin de devenir sensibles à la lumière. Grâce à l'optogénétique, les chercheurs ont démontré que lorsque certains neurones étaient fortement stimulés, la souris commençait à se battre, alors que s'ils étaient faiblement stimulés, elle essayait d'avoir des rapports sexuels. Les cellules nerveuses qui ont été stimulés dans cet article étaient des neurones exprimant un récepteur des estrogènes, les neurones ESR1+, donc qu'on appelle en anglais Estrogen Receptor 1. Les estrogènes sont des hormones produites essentiellement par les ovaires des femelles, on sait, mais d'autres organes en fournissent un peu, y compris chez les mâles. C'est pourquoi les souris mâles peuvent posséder des récepteurs d'estrogènes sur certaines cellules. Les chercheurs ont donc voulu explorer le rôle de ces neurones portant un récepteur des estrogènes chez des souris mâles. C'est ainsi que par optogénétique, ils ont montré que les neurones ESR1+ permettent de déclencher un comportement d'attaque et non les neurones ESR1... Je sais pas c'est quoi le symbole, on dirait un moins. Je pense que c'est tilde. En tout cas, c'est peut-être pour dire qu'il n'y a pas le plus. Donc, c'est sans le récepteur d'estrogène ESR1. Lorsque ces neurones étaient plus faiblement stimulés, la souris essayait de monter sur d'autres souris mâles ou femelles. Elle les flairait, les inspectait de près, mais ne les attaquait pas. En revanche, lorsque les chercheurs augmentaient la stimulation, la souris mâle se mettait à attaquer d'autres souris mâles comme femelles. Ces résultats indiquent que les estrogènes semblent jouer un rôle important dans le contrôle de l'agressivité des souris mâles, mais on ne sait pas si ces résultats peuvent être extrapolés à l'espèce humaine entière, même si les structures des cerveaux des souris et des humains sont assez proches. Notons cependant que le cerveau humain est particulièrement développé, permettant une grande capacité de réflexion et de contrôle des émotions et des pulsions. Nos comportements ne sont pas uniquement dictés par des messages chimiques, génétiques, nerveux ou hormonaux, parce que sinon, ce serait beaucoup trop facile de faire des blagues sur le fait que les femmes s'emportent facilement tout à cause de l'estrogène. L'inventeur d'un engin produisant un pain chaud en 10 secondes est honoré. Vous allez voir que c'est cet article-là qui m'a fait douter du concept de la chronique même, à savoir est-ce que c'est scientifique ou pas. Vous allez comprendre avant la fin de l'article. Le vainqueur du concours Lépine 2014, qui récompense les innovations en France, est un boulanger, inventeur d'un automate capable de cuire et vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des baguettes chaudes de pain et avec lesquelles il veut conquérir le monde, nous dit cet article de l'agence France Presse. Jean-Louis Hecht, qui a breveté le fruit de son idée avec son frère Jean-Claude Hecht, a déjà installé une vingtaine de machines dans l'est de la France, une en région parisienne et en a vendu 4 en Russie. Les deux frères ont reçu le vase en porcelaine de Sèvres décerné au lauréat du fameux prix du président de la République. Jean-Louis Hecht voit son invention à la fois une solution pour réduire les files d'attente dans les boulangeries et pour reconquérir les communes de France où le boulanger a disparu, mais aussi un moyen de vendre massivement la baguette française à l'étranger. Le Grand Prix du Sénat récompense en deuxième place un inventeur professionnel, auteur de multiples brevets, Raoul Parienti, pour un système de repassage à vapeur intégré dans un miroir mural pivotant de 6 cm d'épaisseur. Lui aussi s'est fixé comme objectif la planète entière. Des villas au luxe tapageur du pourtour de Moscou, aux minuscules appartements des agglomérations tentaculaires du Japon, sans oublier les grandes chaînes hôtelières. La troisième place, le prix de l'Assemblée nationale revient à un groupe d'inventeurs de l'École centrale d'électronique pour un stylo d'injection d'insuline pour diabétiques, notamment malvoyants. Cool. Créé en 1901, le concours Lépine a déjà permis l'émergence d'une multitude d'objets aujourd'hui familiers du quotidien, comme le stylo à billes, le presse-purée, très connu, le fer à repasser vapeur ou les verres de contact. Pour sa 113e édition organisée dans le cadre de la Foire de Paris, 250 prix ont été attribués. des délégations pardon, de Chine, de Pologne, de Russie et de Taïwan étaient présentes. Voilà pour Merci Science. Il n'y avait absolument rien d'intéressant, je trouvais, cette semaine. C'était beaucoup trop poussé. Déjà que l'article sur les souris tantôt et les neurones était déjà un petit peu poussé pour moi. Peut-être la semaine prochaine, plus de choses. Hein. Vous allez voir qu'il y a plein de nouvelles semi-scientifiques, mais pas tellement que j'ai mis dans CNX, donc on va faire ça tantôt. Pour l'instant, c'est la conclusion de cette première heure. On se retrouve tantôt pour la deuxième avec, entre autres, le segment Geek CNX. On a aussi le survol du web dans WoW at Web, la chronique musicale Donkey Kong Country 3 Double the Trouble et un paquet d'autres choses dans la deuxième heure du Mathieu Plante Show sur C'est fou. Restez là. FOU891, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! La deuxième heure du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques instants, le bloc Geek CNX. Ça s'en vient juste là. On va parler de plein de choses intéressantes. Entre autres, si je peux vous agacer un petit peu avec ça, je suis même. Entre autres, des routes en panneaux solaires. On pourrait aussi observer l'activité cérébrale en réalité augmentée avec Mind Mirror. Et le coussin connecté qui détecte le stress ou les mauvaises positions. Ça s'en vient dans quelques instants dans le bloc CNX. Mais avant ça, deux pièces chiptune encore. On commence avec Jaser. Voici Face the Unknown tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. Jester et Face the Unknown. Au Mathieu Plante Show. Un peu de musique chiptune. Tous les liens de la musique chiptune en passant sont sur assemblagerequis.com. Tout y est. Maintenant, tiens, on va parler de nouvelles technologiques. Donc, voici le segment Geek CX. CX. Le segment Geek CX qui débute avec des nouvelles scientifiques. Je dis tantôt que c'était difficile de départager qu'est-ce qui est science et qu'est-ce qui est technologique. Donc, un petit peu entre deux. Avancé technologique, mettons, dans ce cas-ci. Un couple d'ingénieurs américains travaille depuis une dizaine d'années sur un concept de panneau solaire ultra-résistant qui pourrait transformer n'importe quelle route en source d'énergie. Financé par le gouvernement américain, le projet fait l'objet d'une campagne de financement pour passer à la phase commerciale. Donc, une route capable de fournir de l'électricité pour s'auto-financer, recharger les véhicules, alimenter son marquage au sol à LED, LED, et chauffer sa surface pour faire fondre le verglas et la neige. Cet idéal, Scott Broussa et son épouse Julie sont sur le point de le concrétiser. Voilà près de 10 ans que ces ingénieurs en génie électrique planchent sur un concept de panneau solaire intégré dans un verre trempé, ultra résistant, pouvant supporter les contraintes d'une route en asphalte. Baptisée Solar Roadways, cette invention se présente sous la forme d'un pavé hexagonal texturé qui renferme des cellules photovoltaïques. 128 LED à 5 couleurs ainsi que des résistances électriques. Le concept peut s'appliquer non seulement aux routes, mais aussi aux trottoirs, aux pistes cyclables, aux places de stationnement public et chez les particuliers, aux allées, aux terrasses ou aux cours. Concrètement, toute surface en asphalte ou en béton exposée au soleil pourrait être recouverte de ces panneaux. On imagine des places de stationnement qui feraient office de stations de recharge pour les véhicules électriques et les rendant ainsi autonomes, aussi autonomes que des modèles à moteur à explosion. Le Federal Highway Administration, une agence du département des transports des États-Unis qui gère les autoroutes, soutient le projet Solar Roadways. Elle a accordé 2 subventions en 2009 puis en 2011. Une campagne de financement vient d'être lancée via la plateforme Indiegogo avec l'objectif de récolter 1 million de dollars. Le but est de financer la construction d'un prototype de place de stationnement pour finaliser le produit. La commercialisation ciblera d'abord les particuliers avant d'être étendue à des infrastructures routières. Moi, je m'imagine vraiment des indications qui pourraient être sur la route, peut-être en période plus, mettons, scolaire, pendant la journée scolaire. Bon, les vitesses pourraient quasiment être affichées sur l'asphalte. Ce serait cool, ça, avec l'affichage dessus de couleurs, là, de lumière LED. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Une équipe de l'INRIA de Rennes vient de dévoiler un système qui permet de visualiser l'activité cérébrale en temps réel grâce à un affichage en réalité augmentée. Face à un écran, l'utilisateur peut observer les changements d'état de son cerveau illustrés par des couleurs, une innovation qui pourrait trouver de nombreux débouchés, en particulier dans le domaine médical. L'équipe du laboratoire Hybrid, dirigée par Anatole Lécuyer, a mis au point une technique inédite pour observer l'activité cérébrale. Il s'agit d'un système baptisé Mind Mirror qui, comme son nom le suggère, permet de voir son cerveau comme dans un miroir en associant l'électroencéphalographie et la réalité augmentée. Le dispositif se compose d'un casque EEG qui capte l'activité électrique du cerveau, d'une caméra 3D, ça en fait un Kinect de Microsoft, comme la console de jeux vidéo, et d'un écran recouvert d'un film argenté qui produit l'effet miroir. Lorsqu'une personne portant le casque et filmée par la caméra fait face à l'écran, elle voit une image de son cerveau apparaître sur sa tête. La réalité augmentée superpose le cerveau virtuel en produisant un effet de transparence. Le capteur Kinect suit les mouvements et le mouvement de la tête afin de garder l'image toujours alignée. Grâce à des algorithmes, cette imagerie est corrélée avec le fonctionnement du cerveau et illustrée avec des couleurs. Ainsi, lorsque la personne se concentre, certaines zones du cerveau se teintent en rouge ou bien en bleu si on lui demande de se détendre. Les débouchés potentiels pour Mind Mirror sont nombreux, estiment les chercheurs qui citent des applications aussi bien ludiques qu'éducatives ou scientifiques. Mais dans un premier temps, c'est dans le domaine médical et en particulier pour le retour neuronal, ce qu'on appelle le neurofeedback, que Mind Mirror serait le plus prometteur. Expliquons le neurofeedback. Ça considère l'activité électrique du cerveau comme un ensemble de muscles qu'on peut entraîner et développer à partir du moment où on dispose d'un retour, un feedback et donc d'une boucle d'apprentissage. Cette technique novatrice est envisagée pour traiter des pathologies telles que les troubles de l'attention ou du sommeil. Les acouphènes ou encore les problèmes moteurs survenus après un AVC. À ce titre, Mind Mirror pourrait aider les patients dans leur travail de rééducation. Les tests, notamment des essais cliniques, vont se poursuivre et les premières applications issues de Mind Mirror seront commercialisées d'ici 2 ans. Cet article de Futura Science est disponible sur assemblagerequis.com. Une start-up s'apprête à lancer sur Kickstarter une campagne visant à financer son coussin intelligent, capable de détecter l'état de stress ou la position de l'utilisateur pour ensuite lui signaler via son téléphone intelligent les attitudes à corriger. Muni de capteurs et destiné à prendre place sur une chaise de bureau, ce Smart Cushion serait mesuré avec précision le rythme cardiaque de l'utilisateur et sa respiration. ainsi que la position dans laquelle il est assis. À partir de ces indicateurs, Dharma affirme être en mesure de délivrer à l'usager un certain nombre de conseils visant à améliorer son bien-être via une application mobile installée sur son téléphone. Une respiration saccadée et un rythme cardiaque en hausse seront ainsi interprétés comme une élévation du niveau de stress. L'application suggérera alors à l'utilisateur de prendre quelques minutes pour s'apaiser. Même chose en cas de mauvaise position ou d'un laps de temps trop long passé sans s'être levé. Des alertes pourront être émises pour inciter à un peu d'exercice. La liaison avec le smartphone sera assurée par Bluetooth 4.0. D'après Engadget, qui a pu approcher un prototype fonctionnel du coussin de Dharma, le projet serait lancé sous forme de campagne Kickstarter dans le mois de juin. Le produit final devrait être vendu 250$ associé à un premier temps à une application iOS et ensuite sur Android. L'article vient de Clubic. Dawino, un studio basé à Villeurbanne en France, planche actuellement sur Blind Legend, un jeu mobile d'un genre particulier. Aussi bien destiné aux aveugles qu'aux joueurs curieux souhaitant découvrir une nouvelle manière d'appréhender le jeu, ce titre d'action et d'aventure se jouera exclusivement sans les yeux. Sous les conseils de sa fille, ou simplement en écoutant les bruits environnants, le héros Edward Blake partira à la recherche de sa femme, enlevée par le même garnement lui ayant en crevé les yeux. Wow! À l'aide de l'écran tactile, il sera possible de se déplacer, mais aussi de combattre, comme l'explique la page Ulule du jeu. Le studio a besoin de l'aide des joueurs pour développer sereinement son titre. On demande 40 000 euros pour boucler les trois premiers niveaux du jeu. Évidemment, toujours via les sites de ramassis d'argent par la communauté. Je cherche l'extrait audio. Ici, on va pouvoir l'écouter dans quelques instants. Donc, Blind Legend sera proposé gratuitement, mais des microtransactions vont permettre de surpasser la contrainte horaire. On dit que vous allez commencer la partie avec 5 vies et vous allez en regagner une toutes les 20 minutes et on va pouvoir évidemment acheter d'autres vies sans avoir à attendre. Écoutons un extrait de A Blind Legend, c'est la bande-annonce audio. Écoutons ça. Intriguant pas mal, c'est le jeu Blind Legend, un jeu où on ne joue qu'avec le son, bien sûr. J'essaierai, je suis pas convaincu, mais je l'essaierai, ça a l'air assez intéressant. Parlons de jeux vidéo, pas dans les salles de cinéma, mais via les salles de cinéma. L'exploitant de salles de cinéma Cineplex souhaite accroître ses activités dans le segment des salles de jeux électroniques. Saviez-vous qu'il faisait ça? Moi, je ne savais pas. Le chef de la direction de Cineplex, Ellis Jacob, a affirmé à des actionnaires lors de l'assemblée annuelle de l'entreprise que les jeux présentaient une réelle occasion à saisir dans un contexte où Cineplex cherche à accroître ses activités hors du segment du cinéma. Cineplex a l'intention de continuer à mettre à l'essai son concept de salle de jeux électronique appelé Xscape, qui c'est pas le même nom que le nouvel album de Michael Jackson, dans ses complexes de salles de cinéma. D'ici la fin de l'année, l'entreprise espère exploiter 16 de ses salles à la grandeur du pays. Les salles de jeux Xscape comptent des populaires jeux de course automobile et de billard et les gagnants peuvent échanger leurs points pour des prix. Si l'expérience est couronnée de succès, Cineplex envisage de la poursuivre à l'extérieur de ses complexes avec des salles de jeux autonomes ou un concept de bar pour amateurs de sport. Selon les récentes informations, Cineplex a fait équipe avec la société de placement Onex dans le but de soumettre une offre pour acquérir la chaîne américaine de restaurants et de salles de jeux électroniques Dave & Buster's aux États-Unis. Cineplex entreprendrait sous peu à Toronto un programme d'essai permettant aux cinéphiles de payer un prix supérieur pour les meilleurs sièges, ceux des deux rangées situées au milieu des salles de cinéma, qui est la zone d'écoute idéale pour les amateurs de cinéma. Drôle d'affaire, ça me fait penser à la net neutrality en ce moment dont tout le monde parle, le système à deux vitesses pour Internet, pour les grandes corporations qui pourraient se permettre une vitesse plus rapide. Ici, au cinéma, on va pouvoir se permettre un siège plus cher. Pas sûr, mais en même temps, si ça marche, tu sais, hein? Si les gens sont prêts à payer pour ça, why not? Flappy Bird va être de retour au mois d'août. Doug Nguyen, le créateur de Flappy Bird, annonce le retour de son jeu mobile cette année, plus précisément au mois d'août. L'homme indique avoir procédé à quelques changements. La nouvelle mouture du titre incorpora un élément multijoueur pour contourner le côté addictif du jeu, qui est l'une des raisons pour laquelle le créateur avait décidé de retirer le jeu des étalages le 8 février dernier. Étalage virtuel, évidemment. À raison de 50 000 $ de recettes par jour à la grande époque, on comprend aussi la motivation de vouloir revenir, hein? Même si là, je pense que la bulle est pétée, t'sais. Angry Bird, il y a tellement eu de... pas Angry Bird, pardon. Flappy Bird a tellement eu de clones que je pense que peut-être que le temps est passé. D'après moi, au mois d'août, ça fera pas autant fureur que ça l'a fait quand c'était, disons, disponible légalement. Google vient de lever la limitation des ventes de ses lunettes glace aux États-Unis. N'importe qui peut maintenant en acheter, mais le prix reste fixé à 1 500 $, nous dit Clubic.com. La firme de Mountain View ne contrôle désormais plus du tout le type de personne qui désire acquérir ses lunettes, et l'opération n'a pas de durée limitée. En permettant à tous les Américains d'acquérir une paire de lunettes au prix de 1 500 $, Google cherche à accélérer la création de sa communauté glace alors que le dispositif fait toujours l'objet de critiques dans le pays. Depuis le début de l'année, l'entreprise multiplie les actions pour montrer son appareil sous un jour positif et pas comme un outil inquiétant pour la vie privée. Pour ceux qui ne se rappellent pas, glace, c'est les lunettes avec un petit écran et, dans le fond, une caméra, vidéo et audio. Mais les Google Glass Explorer restent une version bêta des lunettes connectées. Pour 1 500 $, on acquiert donc un produit fonctionnel mais expérimental. Même en ouvrant au maximum les vannes aux États-Unis, le prix devrait cependant encore freiner beaucoup d'utilisateurs potentiels, bien sûr. La grosse nouvelle dans les jeux vidéo cette semaine, c'est Microsoft qui va vendre Xbox One moins cher, mais sans Kinect. Le groupe informatique américain Microsoft a annoncé une version moins chère, mais avec une option en moins pour sa nouvelle console, nouvelle Xbox One, dont les ventes sont à la traîne face à la PlayStation 4 du japonais Sony. À partir du 9 juin, sur tous les marchés où la Xbox est vendue, on proposera donc la Xbox One à partir de 400 $. Ce prix aligne la Xbox One sur le prix de la PS4, sortie comme elle en novembre dernier, mais qui se vend jusqu'ici mieux. Microsoft avait annoncé à la mi-avril avoir vendu plus de 5 millions de Xbox One depuis son lancement, mais Sony avait déjà fait à l'époque 7 millions de ventes de PlayStation 4. L'une des raisons avancées par les experts pour le retard de la Xbox One était son prix. La console de Microsoft démarrait jusqu'ici à 500 $, soit 100 $ de plus que la PlayStation 4. Pour ce prix, l'acheteur obtenait toutefois le système de commande par la voix et le geste Kinect, qui n'est pas compris dans la nouvelle offre à 400 $, même si Sony offre la même chose, mais il faut l'acheter à part. Microsoft annonce aussi la commercialisation cet automne d'un capteur Kinect à part. Évidemment, ça venait avec, t'avais pas le choix de l'avoir, donc il n'y avait pas besoin de le vendre à part, mais maintenant ils vont avoir à le faire. 80% des utilisateurs se servent actuellement de Kinect, avec une moyenne de 120 commandes vocales par mois sur chaque console. Le restaurant The Picture House propose de payer l'addition en photo Instagram. Payer son addition avec Instagram, c'est désormais possible. L'initiative vient d'un restaurant éphémère, judicieusement nommé The Picture House. Ce restaurant a ouvert pour marquer le lancement d'une nouvelle gamme de repas de la marque Bird's Eye. Deux plats sont servis à chaque dîner. Si le consommateur met une photo de sa nourriture sur Instagram, Twitter ou Facebook, suivi du hashtag Bird's Eye Inspiration, l'addition lui sera tout simplement gratuite. Déjà plus de 400 photos sont accompagnées de ce hashtag sur Instagram. L'engouement est similaire sur Twitter, puisque près de 400 personnes ont également inscrit ce mot « clic ». Dans les deux derniers jours en date de l'article. Drôle d'idée. Encore une fois, pourquoi pas? Ça peut faire un coup de marketing, mais moi, ça m'énerve énormément. Les gens qui postent de la photo de bouffe sur Facebook et Twitter. Pas long que j'ai les blocs. Hein. Maintenant, la Terre sous l'eau. Les possibilités offertes par Street View sont innombrables. Google Street View, évidemment. Mais le célèbre service de Google Maps peut aussi aider à prévoir les effets du changement climatique sur la Terre. L'application World Underwater s'est basée sur Google Street View pour imaginer à quoi ressemblerait la Terre en cas de montée des eaux. Imaginée par la plateforme, parlant français, de crowdfunding, donc financement sociétaire, Karen Story, cette application vous permet d'entrer n'importe quel lieu sur la surface du globe et de voir à quoi il pourrait ressembler sous l'eau. Une application qui n'a pas de visée scientifique, mais l'objectif est surtout d'alerter sur le risque réel d'une montée des eaux dans les prochaines décennies, une des conséquences les plus redoutées du changement climatique. Allez voir le lien, évidemment, sur assemblagerequis.com. Vous connaissez George R.R. Martin, qui écrit de la science-fiction et du fantastique depuis des dizaines d'années. C'est entre autres l'auteur de Game of Thrones. Il ne va pas perdre son temps à essayer de faire en sorte que Word comprenne ses autocorrections pour entre autres des mots comme Targaryen ou des villes comme Kohor et Asai. C'est loin des mots qu'il veut écrire et ce serait sûrement autocorrigé assez bizarrement. Et dans une entrevue avec Conan O'Brien récemment, il a dit, et je cite, « Je déteste la correction automatique ». Et puis, il est allé encore plus loin dans son entrevue. Il a raconté avoir deux ordinateurs, l'un étant à jour tout le temps, avec accès à Internet, et l'autre étant bien plus vieux, tournant sur DOS. Il utilise la machine la plus récente pour aller sur le web, lire ses courriels, et quand vient le moment d'écrire, il allume sa plus ancienne machine et le logiciel de la fin des années 80, WordStar 4.0. 4.0 qui était une seconde version de WordStar est tournée sur DOS. Elle était une réécriture de la version 3.0 directement transposée sur DOS depuis CPM. Je cite... J'aime vraiment ce logiciel, il accomplit tout ce que j'attends d'un programme de traitement de texte sans en faire davantage. Je ne veux pas d'aide. Je déteste ces systèmes modernes où quand tu tapes une minuscule, elle devient majuscule. Je veux pas de majuscule. Si je voulais une majuscule, j'aurais tapé une majuscule. Je sais comment fonctionne la touche Shift. Je suis tellement d'accord avec lui, je déteste Word. Mais avec la plus profonde des profondes haines. Des logiciels de traitement de texte plus minimalistes existent en passant. Pour ceux qui veulent garder leur ordinateur récent, il y a Write Room et ByWord, qui sont d'ailleurs populaires auprès des écrivains et des utilisateurs cherchant un programme permettant de rédiger sans être distrait. Donc Write Room, W-R-I-T-E, Room et ByWord, B-Y-Word. Mais la solution de Martin est quand même optimale, tout particulièrement si l'on s'assoit pour écrire des milliers de pages, nous dit Slate.fr. Voilà pour les nouvelles geeks. Parlons un petit peu des jeux les plus vendus au Japon. Je fais des fois les États-Unis, des fois la France, des fois le Japon. Cette fois-ci, en termes de consoles, 8e place la Wii, en 7e Xbox 360, 6e PlayStation Portable, encore vendu au Japon, incroyable. En 5e la Wii U, en 4e PlayStation 3, 3e PlayStation 4 avec 11 692 ventes. En 2e, PlayStation Vita avec 25 606. Et en première place, la Nintendo 3DS avec 42 647. Voilà pour les consoles les plus vendues au Japon. Maintenant, allons un petit peu regarder ce qui se passe bientôt sur vos écrans. Et voici les nouveaux jeux en vente pour la semaine du 18 mai au 24 mai 2014. En ce lundi 19 mai, Imagine Earth Early Access qui sort aux États-Unis sur le PC. Mardi le 20 mai, la grosse journée comme toujours, Transistor sort aux États-Unis et ailleurs sur PC et PlayStation 4. C'est un jeu d'action, science-fiction, jeu de rôle, futuriste, etc., etc. C'est bien des choses en même temps. Wolfenstein The New Order sort sur Xbox 360, PC, PS3, PS4 et Xbox One. Le héros de Wolfenstein, ou Wolfenstein, dépendant de comment les gens le prononcent, B.J. Blazkowicz est de retour pour combattre la menace nazie dans ce monde des années 1960 où les nazis auraient gagné la Deuxième Guerre mondiale. C'est un monde alternatif, si on veut une histoire alternative. Drakengard 3 sort sur PlayStation 3. C'est une pré-suite, une pruite de l'original Drakengard qui transporte le joueur à une époque médiévale. Mugen Souls Z sur PlayStation 3. Ça devait venir, hein? Donc, un groupe de jolies mignonnes filles. Donc, c'est un jeu qui s'adresse, je sais pas à qui, mais met en vedette de jeunes filles. Aquaki Stories of the Shinsengumi Limited Edition sort sur PlayStation 3. C'est coté 5.7 selon GameSpot. Darksiders Collection sort sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. C'est une compilation qui inclut Darksiders, Darksiders 2 et The Season Pass. C'est donc une collection complète. Z-Run sort sur la PlayStation Vita. A Freaking Meatbags sort sur PC, un monde futuriste où les robots ont des emplois. D'accord. R-Type Dimensions, qui combine les classiques R-Type et R-Type 2 ensemble. C'est coté 7 selon GameSpot. Sparkle 2 sort sur PlayStation 4 et Vita. Mercredi, Max, The Curse of Brotherhood sort sur Xbox 360. C'est coté 6 selon GameSpot. C'est un platformer 2,5D, donc c'est à mi-chemin entre du 2D et du 3D. Always Sometimes Monsters sort sur PC. Dragon Guard 3 sort sur PlayStation 3. C'est la même chose qu'on a dit tantôt, mais ça sort mercredi à la place. R-Type Dimensions sort sur PlayStation 3. Et Forsaken World Blood Harvest sur PC qui cotait 7,6. Jeudi, The Forest Steam Early Access sort sur PC. C'est coté 9,5. Très, très bien coté. C'est un jeu d'horreur survie dans un monde vraiment ouvert, nous dit-on. The Incredible Adventures of Van Helsing 2 sort. C'est un jeu steampunk d'action RPG sur PC, influencé par Dracula de Bram Stoker. Pycross E4 sort sur 3DS. Oh, cool! Je savais même pas que ça sortait. Là, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Pycross, j'adore. C'est un jeu puzzle qui ressemble, c'est comme à mi-chemin entre un sudoku et un mot croisé, style, mais sans les mots. Faut que tu coches des cases. C'est très, très logique. C'est très, très intelligent comme jeu. Et j'adore ça. Panzer Tactics HD sort sur PC. Et Swords and Soldiers sort sur la Wii U. C'est coté 5,5. Pas tellement bien coté. Vendredi 23 mai, Lifeless Planet sur PC. C'est un jeu d'action-aventure. Mugen Souls Z sur PlayStation 3. Tropico 5 sur PC. C'est tu contrôles... ça se passe à l'époque coloniale. C'est tout ce que je veux dire là-dessus. Legends of Oz, Dorothy's Returns, qui est un jeu de puzzle dans le pays de Oz. Et bien, ça sort sur 3DS. Il y en a donc bien beaucoup, les jeux, cette semaine. F1 2013, Complete Edition, sort sur PS3, Xbox 360 et PC. C'est coté 8, selon GameSpot. Donc, c'est un jeu de course, bien sûr. Killer is Dead, Nightmare Edition, sort sur PC. C'est un successeur spirituel à ses précédents jeux No More Heroes et Killer 7. C'est coté 5 médiocre selon GameSpot. Borderlands 2 sort sur PlayStation Vita. C'est coté 8,5 selon GameSpot. Ghost Simulator sort sur PC. Je crois que c'était déjà sorti, mais apparemment que sûrement la version finale vient de sortir là. Ou va sortir cette semaine. C'est coté 7,87. Un score très très précis, mais c'est selon les utilisateurs de GameSpot et non selon GameSpot. Gone Home sort sur PC. C'est un jeu coté 9,5. Un jeu à la première personne d'exploration, mystère et découverte. Donc 9,5, superbe. C'est quand même assez parfait, que demander de plus pour ce jeu qui s'appelle Gone Home. Et finalement, Water Park Tycoon, dans la série des Tycoons, où tu montes un système ou une ville ou un parc d'attractions. Celui-là, c'est un parc aquatique. C'est sur PC. Voilà pour les jeux qui sortent pour la semaine du 18 au 24 mai 2014. Et c'est tout pour CNX. Tout à l'heure, il nous reste le bloc WoW at Web avec un petit survol du web. On a aussi la série Double the Trouble sur Donkey Kong Country 3. Mais avant ça, on retourne en chiptune. Tantôt, on avait fait un bloc de 1. On dirait que cet été, j'avais dit que je ferais des blocs de 2 tout le temps. J'ai l'impression qu'on va manquer de temps. Manquer de temps si on fait des blocs de 2 tout le temps. Donc, je les sépare en deux. Hein? Voici la suite de tantôt. Sur l'album Jelly de Rob Octopus, c'est Can't Have the Fish If You Ain't Got the Jelly. MPS, le Mathieu Plante, je vois, c'est fou. We'll be right back. CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Homestar101.net, it's dot com. Maki, tribute to Homestar Runner. C'est la chanson gossante de la semaine. Il y en a au moins une par semaine qui est plus gossante que les autres. C'est un hommage à homestarrunner.com. Homestar Runner, qui est un personnage de dessin animé, ben style, qui était très populaire sur Internet au milieu des années 2000, si je me rappelle bien. Il est revenu récemment avec des nouvelles aventures. On sait pas si ça va continuer. Il y avait des jeux vidéo basés sur Homestar Runner aussi. Donc, c'était Teo Maki avec a tribute to Homestar Runner. C'est lui qu'on entendait parler, le personnage, au début et à la fin de la chanson. Bonsoir d'entendu, Can Have the Fish If You Ain't Got the Jelly, oui, mais par Roboctopus. C'est sur un album disponible sur roboctopus.bandcamp.com. Ce qui nous amène à notre série Double the Trouble, le titre du 36e album édité par le site Overclocked Remix, qui présente des réarrangements de la musique de la version originale de Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble, sortie sur Super Nintendo en 96, et celle de la réédition de Donkey Kong Country 3, sortie sur Game Boy Advance en 2005, qui comprenait une nouvelle trame sonore. La compilation comprend 77 chansons par une soixantaine d'artistes différents qui réimaginent les compositions originales de Evelyn Novakovic et David Wise. On commence avec Will Rock, Level 99, Bash the Bastards, tout de suite. Au Mathieu Plancho. Thank you. Matt Drouin, la pièce Unfinished Business Swanky Sideshow. Précédé de Brandon Strader et Funky's Joint, Hanging at Funky's. Et au début du bloc, Bash the Bastards Bonus Time par Will Rock et Level 99. C'était les pièces 7, 8 et 9 du premier CD Chromosphere de la compilation Double the Trouble. Vous pouvez télécharger la compilation de 5 disques sur dkc3.ocremix.org. Les précédentes compilations Kong in Concert et Serious Monkey Business de 2004 et 2010 sont disponibles via assemblagerequis.com. C'est un hommage donc à Donkey Kong Country 3. Ce qui nous amène à parler du net, voici Wow What Web. C'est Wow What Web, notre petit survol rapide du web, bien sûr, hein, ça le dit dans le nom, Wow What Web. Commençons avec des petits trucs audio un peu. Ouais, des fois, il faut écouter des affaires à la radio. J'aime bien ça de même. On va commencer avec un petit mash-up entre Super Mario Brothers, Super Mario World, en fait, et Game of Thrones, Trône de Fer. Hein? On va écouter ça. C'est un mash-up entre les deux. Et à la place de prendre la carte de Westeros et la mettre dans Mario World, on fait le contraire. Donc, je vais vous décrire en même temps. C'est un générique d'émission, bien sûr. Donc, vous connaissez un petit peu Game of Thrones. C'est très, très majestueux et épique. On voit un paquet d'armes, des épées voler dans les airs. La carte de Mario World. On zoome dessus, on voit Yoshi's Island, on focus là-dessus. Les arbres sortent du sol. Évidemment, les arbres de Mario World. La maison de Yoshi avec des pommes dans l'arbre, vous connaissez le jeu. On passe de Yoshi's Island à Vanilla Fortress, un des châteaux connus de ce jeu. Magnifique. Et là, le château sort du sol, les arbres aussi. Évidemment, tout ça très, très pixelisé, 16 bits, comme au Super Nintendo. Le grand soleil de Mario 3. Il me semble, est-ce qu'il est dans Mario World aussi, peut-être? Je me rappelais pas. On passe à Ludwig's Castle. Ludwig est un des personnages, je sais pas, dans l'histoire, c'est supposé être les fils de Bowser, quelque chose comme ça. Il fait partie de la gang des méchants dans Mario World. La musique est, je crois... est-ce que c'est un remix de Game of Thrones? Je connais pas mon Game of Thrones. J'ai pas encore commencé à l'écouter. Je m'excuse. On voit vraiment les effets de caméra, en guillemets, du monde. On voit le monde vraiment de côté, comme si c'était une carte en papier et qu'on regardait de côté. C'est vraiment très, très épique. Et ça dit à la fin, Super Mario Game of Thrones. Écrit par Shigeru Miyamoto, évidemment le créateur de Mario, réalisé par Nixplosion FX, qui est le gars qui a fait l'introduction. Et il en a fait plusieurs autres, il a fait aussi Super Mario Combat, un mélange entre Super Mario et Mortal Kombat, et Street Fighter vs. Plants and Zombies. Allez voir ça sur assemblagerequis.com, j'aime beaucoup la musique. On va rester dans le domaine de Mario, avec la série avec l'émission de Pete Holmes, le Pete Holmes Show, qui est diffusé juste après l'émission de Conan O'Brien, sur TBS. C'est une émission à sketch. Il y a plein de trucs humoristiques qui sont partagés. Ça devient viral assez rapidement, le Pete Holmes Show. C'est l'idée même de cette émission-là. Et il y a une série de sketchs qui s'appelle Realistic Mario. Et dans un précédent épisode, on avait vu Mario qui apprenait que se frapper la tête contre un bloc, comme il fait tout le temps dans Mario, ça peut être douloureux par moment. Hein? Donc ici, il a fait la même chose, mais avec... pas la même chose, mais dans le même style. Donc voici Realistic Mario. Je vous le décris un petit peu. Là. Ça vaut pas la peine de le décrire tant que ça, mais vous allez voir. Donc Mario, encore dans Mario World, arrive, frappe la tête contre un bloc. Yoshi sort de l'œuf. Oh, ah, c'est un Yoshi! Mon ami dinosaure! Tu veux m'aider? Ah, et là, évidemment, se fait mordre le bras par Yoshi parce que ça reste un dinosaure! Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Ah, cool! Un dinosaure! Luigi arrive. Ah, cool, un dinosaure! Il va nous aider pendant notre voyage! Et Mario dit non, Luigi! Luigi se fait manger en morceaux, pas juste le bras. Luigi au complet. Ah, Luigi! My only brother! Mon seul frère! Oh, Toad arrive! Évidemment, il mange Toad aussi. Bon. On a compris le gag. C'est bien fait, par contre. Il essaie de tirer Toad. Mario essaie de tirer Toad de la bouche de Yoshi. You kill Toad! You eat his mushroom hat! And you kill my brother! T'as tué mon frère, t'as mangé son champignon sur sa tête. Comment oses-tu? Il prend Mario. Il prend un champignon. Il a frappé un bloc pour avoir un champignon pour grandir, mais finalement, c'est Yoshi qui l'a mangé et Yoshi lui marche dessus. Voilà. Oui, facile un peu, mais quand même, je trouve ça drôle. The Pete Holmes Show en semaine à minuit sur TBS. Voilà, hein, c'est... ouais, c'est ça, c'est... c'est pas super recherché, je te dirais, mais quand même. Maintenant, ça, c'est recherché. Par contre, quand t'as un père qui travaille chez DreamWorks en tant qu'animateur, donc animateur, on parle de gars qui fait des animations, c'est sûr qu'éventuellement, tu vas probablement être la vedette d'une vidéo que ton père fait. Donc, le gars s'appelle Daniel Hashimoto et il a créé une vidéo d'effets spéciaux avec en vedette son fils pour sa série Action Movie Kid. Donc, la vidéo montre le fils de Daniel en train de détruire un camion avec son... son carrosse de magasinage inspiré par Mario 64. Donc, derrière le camion, il y a notre bon vieil ami Bowser, qui a pas l'air d'être très, très content de tout ça. Donc, on devrait pouvoir aller entendre et voir cette vidéo-là. Donc, ça s'appelle Action Movie Kid Plays Mario Grocery Cart sur assemblagerequis.com, évidemment, si vous le cherchez. Donc, on va se partir ça tout de suite. Voilà. Donc, un petit cube avec un point d'interrogation qui arrive. Évidemment, ça peut partir une lignée comme dans un casino, comme dans tous les Mario Kart. On retrouve une coquille verte. Il la lance contre un camion. Le camion déraille. Fait l'accident. C'était Bowser derrière le volant. Bowser est fâché. C'est tout? Ah, OK. Et là, une banane apparaît. Puis c'est son fils en train de manger une banane derrière son petit volant de petit véhicule. C'est pas grand-chose, mais c'est dans, ça fait partie d'une série. Donc, il y a plusieurs vidéos comme ça. Allez voir sur assemblagerequis.com. Évidemment, absolument inutile. Maintenant, parlons de Pac-Man un peu. Pac-Man dans la vraie vie, c'est de la réalité virtuelle. Donc, c'est un niveau, un tableau de Pac-Man recréé dans la vraie vie. Le gars, donc, doit courir dans un labyrinthe, comme dans Pac-Man, doit éviter les fantômes, doit battre le niveau, tout en portant des lunettes vidéo qui lui montre à lui seulement une version traditionnelle vue d'en haut du labyrinthe. Donc nous, on voit le gars marcher dans le labyrinthe. On voit dans différents... Ben, je suis en train de le regarder en ce moment. Je vous le ferai pas jouer à la radio, ça servirait pas à grand-chose. C'est via roosterteeth.com, une communauté de joueurs et d'humour. Donc, c'est ça, le gars est lâché. On le voit d'en haut, évidemment, dans le territoire de Pac-Man. Avançons un petit peu ici, voilà. Il y a des gens, des humains donc qui jouent les fantômes. Le labyrinthe est très très petit, malheureusement, donc c'est comme assez facile de trouver les fantômes. Mais on voit vraiment les rideaux noirs placés et on voit la vue de l'aide du dessus et du côté, je dirais, pour vraiment voir comment ça se passe dans le jeu en tant que tel. Donc c'est juste, c'est bien fait, c'est cool, c'est une petite partie de plaisir pour eux, j'imagine. J'aimerais si ce concept-là pouvait être amené dans la vraie vie, un peu comme les laser tags, qui sont populaires à certains endroits aux États-Unis. Donc allez voir ça sur le site. Sinon, il y a un homme handicapé, c'est Alex, un gamer qui souffre de spinal muscular atrophy, atrophie musculaire, moins pignard, etc. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contrôle de ses muscles. Et donc, la précision n'est pas là pour pouvoir jouer à des jeux vidéo, ce qui l'empêche de vivre sa vie pleinement. Donc, heureusement pour Alex, il y a la compagnie Special Effect qui est là pour l'aider. C'est une organisation charitable au Royaume-Uni qui aide les gamers handicapés. Donc, ça existe et c'est vraiment cool. Donc, eux, ils ont installé un système sur sa tête. Ça lui permet de contrôler le jeu Minecraft, jeu très populaire chez les jeunes surtout, en faisant bouger ses sourcils. Donc, il joue à Minecraft à peu près comme n'importe qui jouerait, en bougeant des petits leviers qui sont placés au-dessus de ses sourcils. Donc, il en utilise un pour placer des blocs et l'autre pour sauter. Il y a un système de surveillance de son champ de vision, de son, la direction de ses pupilles. Et ça le permet de bouger. Donc, quand il bouge ses yeux, ça le fait bouger. Il peut aussi jouer à un jeu de soccer, FIFA, avec le même système. Et ses sourcils vont contrôler les passes et les tirs au soccer. Donc, allez voir la vidéo qui vous montre comment ça fonctionne. Il bouge beaucoup des sourcils, le gars, parce que c'est une des seules choses qu'il peut contrôler sur son corps. Il y a une main de robot. Une main robotisée, donc à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en France, qui permet de bouger, de se bouger elle-même et de s'ajuster pour attraper n'importe quel objet en dedans de 5 centièmes de seconde. Donc, on voit dans la vidéo la main en train d'attraper des objets. 1/5 centième de seconde, c'est vraiment très, très rapide. Là, je pense que les réflexes humains sont sûrement pas mal moins rapides que ça pour la plupart. Donc, il attrape une raquette de tennis, il attrape des bouteilles de quelque chose, des balles, un paquet d'objets comme ça, vraiment super rapidement, mais c'est juste une main attachée à un genre de bras. C'est quand même impressionnant à voir. Il y a un restaurant qui a changé. Dans le fond, un restaurant s'est rendu compte, Girafaz, le nom du restaurant, que les iPhones étaient souvent utilisés pendant que les gens mangeaient au restaurant. Donc, ils étaient là en train de manger. Ils tapaient sur leur iPhone, allaient voir des affaires. Donc, ils ont profité de ça en faisant un jeu de soccer sur table dans leur cabaret. Donc, le cabaret a un apron qui représente un terrain de soccer ou de football là-bas. Et on a un ballon. Et on peut l'envoyer avec ses doigts sur l'iPhone. Et dans l'iPhone, l'application, c'est un gardien de but. Donc, on joue avec ça. Goal screen, donc l'écran de but, si on veut. Ça combine le vrai monde et le monde virtuel pour livrer une expérience d'interactivité à la table au restaurant. C'est quand même bien. Les restaurants s'appellent Girafaz. On va aller très rapidement. Je vais sauter par-dessus plein d'affaires que je laisse sur assemblagerequis.com. Mais les points Ninja sont maintenant ouverts en précommande. Donc, évidemment, vous savez que le ICANN, ceux qui gèrent les noms de domaine, ou en tout cas les finales du nom de domaine, donc .com, .fr, .etc., etc. Maintenant, les compagnies pouvaient acheter un point quelque chose pour environ 185 000 $. Il y a entre autres .rich, .buzz, .coffee, .rodeo, .teuse, .sexy, un paquet d'autres. Et il y a maintenant les points Ninja. Donc, vous pouvez maintenant acheter votre propre, mettons, Mathieu Plante point Ninja. Ce qui pourrait être une option pour moi. Donc, allez voir l'article pour savoir comment faire et commander votre propre point Ninja, même si c'est un Ninja n'est pas supposé se faire voir. Là. Mais bon. Peut-être que ça va vous aider à faire voir votre entreprise aussi. Voilà pour What Web. Tous les liens sur assemblagerequis.com. Et c'est ce qui nous amène à terminer notre beau programme du Mathieu Plante Show. Oui, on se retrouve la semaine prochaine, lundi, en direct entre 14h et entre midi et 14h. Voilà. On t'en rappelle les mercredis entre 17h et 19h. Consultez la programmation sur siffre.ca, oui, et retrouvez les notes de l'émission et les liens d'aujourd'hui sur assemblagerequis.com. Disons les choses dans l'ordre. Faut aussi, comme toujours, aimer la page Facebook du Mathieu Plante Show pour connaître le plan avant tout le monde. C'est facebook.com/Mathieu Plante Show. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine, de la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye!